En art actuel. Ce soir, à l'aérospatiale, un entretien avec les artistes Adam Bergeron et Alain Parent au sujet de leur exposition à la Galerie des arts visuels, une rencontre avec la commissaire Jeanne Couture et l'artiste Jacques Sanson sur l'exposition présentée à Regard, la chronique de Suzy Dufour, la revue de presse en arts visuels et, bien sûr, la sélection audio de Simon Roy. Bonsoir, chers auditeurs et chères auditrices, et bienvenue à l'Aérospatiale, votre magazine radio en art visuel. Audrey Caro avec vous pour vous accompagner à cette émission du 20 septembre sur les ondes, bien sûr, de CKRL. Et comme je le disais il y a quelques instants, donc on a plusieurs rencontres ce soir, notamment là, des duos en rencontre. On a Adam Bergeron et Alain Parent donc, qui viennent nous parler de cette exposition qui a débuté la semaine dernière. Donc, à la Galerie des arts visuels, c'est eux qui ouvrent la programmation de ce lieu de diffusion, bien sûr, universitaire, hein, notre seul lieu de diffusion universitaire à Québec. Donc, on va jaser avec eux tout à l'heure. Sinon, on va aussi croiser Jeanne Couture, qui est la commissaire de l'exposition « Comme un chien dans un jeu de quilles » présenté à Regard. Et elle vient accompagnée de Jacques Sanson, donc, qui prend part à cette exposition, donc, qui souligne le 30e anniversaire de ce centre d'artistes sur la Rive-Sud, donc à Lévis, tout juste de l'autre côté du traversier. Et tout à l'heure, Suzy Dufour viendra nous parler de l'exposition de Marcel Ferron à la galerie Michel Guimond. Donc, une très belle exposition qui sera complétée aussi par des petits éléments sur notre page web dont je vous parlerai dans quelques instants. Donc, justement, ben, on peut même y aller tout de suite. C'est un reportage photo et un billet d'Andréane Lesage, donc, qui sera en même temps, là, accompagnera cette chronique de Suzy, mais que vous pouvez voir sur notre page l'aérospatiale ckrl.wordpress.com. Également, je vous ai mis aussi sur notre page un autre reportage photo de ma sortie le 15 septembre, donc jeudi soir dernier, à l'ARIAP, donc Rencontre internationale d'art performance de Québec. On avait rencontré Richard Martel ainsi que Patrick Dubé. C'était la soirée Canada, donc qui ouvrait ce festival, donc, qui se poursuit cette semaine. Donc, vous pouvez aller voir quelques images que j'ai prises lors de cette soirée d'ouverture. Mais on commence avec la chronique de Simon Roy. Bonsoir, Simon. Bonsoir. Ça va bien? Ben oui, ça va très bien. Alors, ce soir, tu es avec nous pour nous présenter cette sélection musicale que tu as fait pour nous aujourd'hui. Oui. Et c'est Ant the Symbol. Oui, c'est le nom d'artiste de Anthony Gillison. C'est une belle découverte. Puis je crois aussi que c'est sur l'étiquette Block Sonic. Puis je crois qu'eux autres aussi, quand ils ont reçu ça, ils ont été agréablement surpris. Mm-hmm. Une belle production. C'est donc musique électronique, un peu down tempo. Vraiment une belle surprise, une belle découverte cette semaine. Des fois, on ne sait pas. Puis je crois que je faisais mes recherches aujourd'hui, puis c'est le premier truc que je suis tombé. Puis paf, ça a été l'amour total en entendant l'album. Donc, c'est ça, c'est son album You Are Here Downtown qui est publié sur l'étiquette Block Sonic. Block Sonic, une étiquette vraiment intéressante qui offre la musique en téléchargement gratuit. Ils mettent beaucoup d'efforts sur les pochettes, sur la conception graphique, donc pour offrir leur téléchargement. Mm-hmm. J'ai toujours des trucs intéressants. Michael Grégoire, la personne derrière l'étiquette, prend vraiment beaucoup de soin à partager ces trucs. Puis c'est ça, les pochettes sont toujours très belles, très, très complètes. Fait que j'invite les auditeurs à le télécharger. C'est toujours des trucs vraiment top qualité. J'ai choisi 4 pièces. On va débuter avec la pièce Libby Hill. Parfait. On s'en va écouter ça. Alors, comme à toutes les deux semaines, on poursuit avec la revue de presse, donc en art visuel, des petites actualités qui nous ont accrochées. Il faut dire qu'en mai dernier, je vous avais parlé du renouvellement de la politique culturelle et des consultations publiques qui étaient liées à ce renouvellement-là. On invitait justement les gens d'un peu partout dans la province à assister à ces rencontres-là où acteurs du milieu, artistes, mais aussi tout citoyen intéressé par le sujet est invité à venir parler ouvertement de ses suggestions, ses inquiétudes relativement au renouvellement de cette politique. Mais également, on pouvait faire parvenir des mémoires aussi. Et il faut dire que le ministère de la Culture et des Communications va en avoir plus d'un à lire. 430 mémoires ont été déposées justement en lien avec ce renouvellement de la politique culturelle du Québec. Et il faut quand même souligner que la coopérative Méduse ici à Québec en a déposé un et également le réseau des centres d'artistes autogérés du Québec était également de la partie, donc on fait de même. Et c'est pour vous dire que il est possible de lire sur le site du RCAAQ, donc les dix mémoires, notamment de Méduse, du RCAAQ, mais également aussi de Éric Desmarais, directeur du centre Sporobol à Sherbrooke, et également aussi, je sais que nous en avions un autre, le centre Sagami également aussi, qui avait fait part de ça. Donc, c'est possible de les trouver en ligne et de les lire. Donc, il faut rappeler quand même que ça s'était terminé cette tournée de consultation le 29 août dernier. Il y a un artiste qui avait fait jaser en juillet dernier en plaçant dans l'espace public des silhouettes blanches de cyclistes et de piétons qui avaient été mortellement happés dans Saint-Roch. Eh bien, cet artiste, surnommé Wharton Pantois, eh bien, frappe à nouveau dans le quartier Saint-Roch et ses interventions, donc picturales, servent à dénoncer les évictions de locataires qui ont été faites au nom du repeuplement dans la forme embourgeoisée du quartier. Il faut dire que tout ça, ça part d'il y a quelques années, lorsque des locataires d'un immeuble à logement de la rue Christophe-Colomb ont été invincés pour faire place à un projet de condo, le Cosmo, donc la firme Saint-Tro. Et ce que l'artiste dénonce notamment, c'est que 2 ans et demi plus tard, donc en juillet, c'était censé être livré en juillet 2015, mais toujours 2 ans et demi plus tard, rien n'a été fait et ça le troublait beaucoup parce que ces gens auraient pu, justement, au lieu d'être évincés, auraient pu encore vivre un bon moment dans ces logements-là, bien sûr. Et visuellement, de quoi ça a l'air? Eh bien, ça prend la forme de 2 portraits grandeur nature qui ont été réalisés, donc, sur 2 portes barricadées de l'immeuble à l'abandon, justement, sur la rue Christophe-Colomb-Est. Et c'est des personnes évincées chez elles qui sont chargées de tout leur bagage qui s'apprête à quitter les lieux. Et cette œuvre fait un clin d'œil à un artiste français, Ernest Pignon Ernest, donc qui avait réalisé en 1978 une œuvre similaire où cet artiste représentait alors ses parents, donc qui avaient eux-mêmes été évincés de leur logement à Nice. Donc il y a un petit clin d'œil à ça, justement, qui à cette époque, ce geste voulait symboliser là, les victimes de spéculation immobilière. Alors, Wharton Pantois dit vouloir par ses œuvres sensibiliser les passants à des réalités qui sont parfois méconnues ou occultées volontairement par certaines autorités municipales. Alors, ouvrez l'œil quand vous irez vous balader sur la rue Christophe-Colomb-Est dans le quartier Saint-Roch. Et sinon, je termine avec une dernière nouvelle pour vous dire que le Musée national des beaux-arts du Québec a mis en ligne tout récemment, on va dire, à compter d'hier, une nouvelle web série « Un artiste, une œuvre » qui a été réalisée grâce au plan culturel numérique du Québec. Ce sont des capsules vidéo qui sont diffusées, oui, sur le web et les réseaux sociaux, mais qui mettent en valeur des œuvres de la collection du musée pour faire connaître l'art contemporain du Québec, mais aussi donner la parole à des artistes vivants, donc ces artistes qui ont réalisé ces œuvres ici. En tout, il y a 33 artistes qui vont faire partie de ces portraits. Donc, on parle notamment de David Ahmed, BGL, Bill Vazan, Raymond April, Michel Dallaire, Serge Tousignan, Nadia Mir et François Sullivan, notamment. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller jeter un œil parce que faut rappeler que le musée avait mis en diffusion aussi une web-série préalablement de 12 capsules, une œuvre expliquée où des personnalités connues venaient un peu faire part de leurs commentaires à propos d'une œuvre de la collection du musée. Donc, c'est une autre façon de, si on peut dire, de rendre accessibles ces œuvres qui, parfois, ne sont pas toujours montrées dans les espaces de diffusion, mais qui sont tout aussi importantes dans la collection du musée. Mais je trouve ça assez intéressant qu'on donne la parole aussi aux artistes pour qu'ils puissent s'exprimer, justement, relativement à leur travail. C'est un projet, faut-il le rappeler, piloté par Marie-Hélène Raymond, édimestre et gestionnaire de communauté au musée, et qui a été réalisé par la cinéaste indépendante Marilyn Laflamme. On fait une courte pause audio et on revient de l'autre côté en entrevue avec Adam Bergeron et Alain Parent. Oh, 17h45 et on est en studio avec Adam Bergeron. Bonsoir Adam. Bonsoir, ça va bien? Oui, très bien, et toi? Oui. Et on a aussi au bout du fil Alain Parent qui est, à vrai dire, actuellement à l'urgence de l'Hôtel-Dieu, parce qu'il faut dire Alain Parent est artiste, mais aussi urgentologue. Bonsoir Alain. Bonjour, Mme Caro. Donc, c'est intéressant de vous avoir tous les deux comme ça, un physiquement ici en studio, mais aussi l'autre dans son contexte de travail régulier, si on peut dire. Et on va parler de cette exposition, donc, où vous êtes, votre travail est présenté en duo à la Galerie des arts visuels. Et à chaque début de saison, la Galerie des arts visuels débute en présentant le travail de deux étudiants qui vont terminer ou qui viennent tout juste de terminer la maîtrise en arts visuels. Et on pourrait peut-être commencer avec toi, Adam. Donc, tu es un jeune peintre, performeur, mais qui fait aussi un peu d'art sonore. Et tu nous présentes une série d'œuvres picturales ainsi qu'une grande peinture aussi pour cette exposition-là. Donc, un projet de peinture ou dialogue, le texte et l'aspect très concret de la peinture picturale, une sorte de collage, si on peut dire. Est-ce que tu peux nous en glisser un petit peu un mot là, sur qu'est-ce que tu présentes exactement? Au départ, j'avais envie de développer comme un espèce de système, disons presque conceptuel, dans le fond, une espèce de série, mais aussi de m'intéresser aux gestes, la trace, aux gestes de peindre, mais aussi d'exposer, dans le fond, de présenter des œuvres, puis de les confronter à la pratique. Puis c'est là que, justement, l'aspect plastique purement, on va dire pictural, prend le dessus sur l'intention de départ, sans toutefois là, se planter. Ça fait comme deux systèmes. Système de lecture, puis un système du regard qui passe d'un tableau à l'autre. Oui. Et puis, tu as une série crédit et débit, donc avec une grande quantité de tableaux où, justement, l'aspect textuel se retrouve dans l'image. Et c'est un texte, à vrai dire, une entrevue du cinéaste Alexandre Kluge, c'est ça, et de l'auteur Joseph Vogel, je pense. Et moi, je me demandais par rapport, puis le reste, il y a des éléments picturaux qui viennent se greffer à ça. Est-ce que l'importance du texte, comment tu vois le texte s'intégrer dans cette peinture-là pour toi? Parce que tu n'as pas brouillé le texte, au contraire, tu l'as même encadré, chaque feuille est encadrée d'une bordure noire, d'une grande bordure épaisse noire. J'étais curieuse de te demander ça, justement, à savoir, est-ce que c'est primordial dans la compréhension de l'œuvre? Comment ça s'intègre dans ton travail? Je pense pas que c'est primordial, dans le sens que qu'on lise l'entièreté du texte ou non, je pense pas que c'est vraiment important, mais que ce soit des fragments d'interviews avec des pistes qui sont lancées, mais qui sont jamais vraiment abouties, étant donné que c'est une interview qui est tirée de discussions vraiment informelles qui passaient à la télévision privée allemande dans les années 90, je pense. Puis c'était vraiment informel, c'est des discussions, disons, entre amis, entre intéressés, des gens qui sont intéressés par la théorie sociale, on va dire, puis c'est plein de pistes qui sont lancées qui sont pas vraiment abouties, comme un philosophe aurait essayé de faire, essayer d'aboutir la discussion, d'en venir à bout. Puis ce que je trouvais intéressant, c'était que justement le pour moi, cette interview là c'est une forme de pratique de la discussion, puis du genre d'investigation un peu ouverte à un genre d'improvisation, puis des commentaires vraiment personnels, des spéculations. Il y a même des erreurs dans ce texte-là, des choses qui sont avérées fausses, en fait. Bref, qui ont été confirmées comme fausses par des spécialistes en économie, par exemple. Mais qu'est-ce que je trouve intéressant, c'est le parallèle que je fais entre ça puis mon travail qui est basé principalement sur un genre de système d'hésitation. OK. Dans le fond, l'intention de départ est toujours un peu minée par d'autres décisions que je prends au fil de la pratique, ou même des accidents. Ça peut être simplement le temps d'atelier qui je finis par régler des problèmes pratiques, puis ça finit par affecter l'œuvre dans son idée, dans son sens, en bout de ligne. Et puis, les éléments picturaux qui accompagnent justement ces éléments de texte-là, on est dans l'abstraction. Ce sont des lignes, des formes. On pense à des éléments donc formalistes, géométriques, mais aussi certains me faisaient me penser à Mondrian, par exemple, la grille, ou en fait des concepts clés, des fois aussi, de l'abstraction. Certains même des formes en flottement, on dirait, dans l'espace, un peu comme les constructivistes, par exemple, auraient pu l'ont fait par le passé, mais je me demandais, comment vois-tu ton travail en rapport avec cette tradition de la peinture, hein, qui, on le sait, on en jasait tout à l'heure, est millénaire, là. Bien, c'est, pour moi, c'est la peinture, comme je la pratique, bien, il y a comme un décalage envers l'idée d'image. T'sais. Dans le fond, je n'essaie pas toujours de bâtir une image. Je peins, puis au fil des interventions, bien, l'image se construit, mais il n'y a pas nécessairement d'idée précise d'image que je veux faire. Par moment, je le fais. Je vais utiliser le dessin. Par exemple, dans cette série-là, il y a comme une espèce de robe indonésienne qui s'appelle un banyan, je ne sais pas trop comment on le prononce. Puis c'est peint assez sommairement, mais c'est assez représentatif des images que j'ai vues à propos de ça, mais ça ne revient pas dans le reste de la série. Fait que c'est, comme je dis, c'est un peu des tâtonnements, des dédales. Puis je trouve que la peinture abstraite, qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'à chaque intervention, ben, on est obligé de changer de direction. À chaque trace qu'on laisse sur le canevas, la géométrie change, il faut y réagir. Oui. Fait que pour moi, c'était un peu comme une discussion, comme un dialogue avec les matériaux. Dans le fond, à chaque geste, on est obligé de reconsidérer les autres. Mm-hmm. Puis ça rejoint un peu des idées qui sont dans le texte même d'autorégulation. OK. Et puis justement, tu parles du geste, puis ça me permet de rebondir en disant aussi que tu es également performeur, donc fais de l'art performance. Et puis, je pense que cette pratique-là n'est pas détachée de ta peinture, du moins les deux se contaminent probablement, j'imagine, ensemble. Oui, ben comme je parlais tantôt de l'exposition, ben pour moi, une performance, on considère souvent que la performance, c'est devant public, avec le corps de l'artiste. Ben, on peut aussi voir la performance comme quelque chose qu'on délègue, disons, à des objets, ou qu'on délègue à d'autres personnes, ou qu'on délègue à des protocoles, des textes qu'on... des genres de recettes de performance que tout le monde pourrait faire. Par exemple, ça me rappelle, je pense que c'est Grapefruit, un livre de Yoko Ono. C'est plein d'espèces de modes d'emploi. Oui. Qu'on peut faire des performances de Yoko Ono à la maison en se basant sur ce texte-là. Puis ça me fait penser un peu à ça, l'idée qu'on peut déléguer la performance à des objets, ou les objets performent eux-mêmes, même si cette intention-là n'est pas là, il y a toujours un peu de ça, je pense, dans la peinture. Surtout quand elle est exposée, en fait, principalement quand elle est exposée. Oui. Elle devient comme un acteur. Parfait. Ben enfin, on va aller voir ça de plus près, parce que c'est assez intriguant, toute cette série-là que tu nous présentes. Merci. Alors, on va passer avec vous à les parents. Donc, comme on disait en début d'entrevue, on est un petit peu conceptuel aujourd'hui, parce que vous, à la base, vous êtes urgentologue, mais vous pratiquez, vous êtes artiste aussi également. Et là, vous nous parlez, je pense, en direct, oui, de l'urgence. Même, est-ce que vous êtes toujours dans la même salle qu'on avait discuté? En fait, je suis en direct de l'hôpital, pas techniquement à l'urgence. D'accord. C'est facile. Mais oui, c'était pas ça donne comme ça, et c'est tant mieux. C'est un peu la continuité de tout ce qui s'est fait durant cette maîtrise-là. Exact, c'est ça. Donc, vous liez votre pratique artistique avec votre pratique médicale, mais je pense qu'au fil de ces deux ans aussi de la maîtrise, ça a été un moment où tout ça a fait sens et est devenu... un élément à la fois, votre pratique autant artistique que médicale? Mais en fait, c'était la maîtrise interdisciplinaire en art. Mm-hmm. Alors, j'ai cru bon profiter de cette opportunité-là pour tenter autre chose. Et c'était la beauté, le luxe de faire la maîtrise. Donc, effectivement, la maîtrise m'a fait passer d'une pratique artistique photographique complètement à part et séparée volontairement de la médecine, où la photo servait à évacuer un peu ce qu'on peut imaginer, tout ce qu'on vit à la salle d'urgence, aux premières loges de tout ce qui se passe. Mais à la maîtrise interdisciplinaire, en fait, on a essayé, et ça, je pense, pense que c'est bien réussi, vraiment aller créer un espace en amalgamant en fait mon quotidien tout simplement et vivre à plein cette hybridité entre pratique artistique et la médecine. Donc c'est ce qui a donné lieu là à ce travail-là. Oui, justement, parlant de ça, votre quotidien, votre travail, il y a notamment une des œuvres que vous présentez, qui est une série de 48 dessins que vous avez fait, je pense, un à chaque semaine pendant un an, là, excepté pendant vos vacances. Est-ce que vous pouvez nous en glisser un mot sur ces dessins-là? Bien, en fait, c'est l'aboutissement de contourner certaines limites du milieu où je travaille. Initialement, on voulait faire de la photographie, mais il faut comprendre qu'à l'urgence, c'est pas évident. C'est bien de vouloir considérer l'urgence comme un espace poétique où on pouvait amalgamer les deux pratiques, mais confronté au quotidien, c'est pas toujours évident que ça fonctionne. Et la façon, en fait, d'unir conceptuellement médecine et art était d'aller chercher un protocole, parce qu'on sait qu'en médecine d'urgence et la médecine en général est de plus en plus protocolisée avec un paquet d'algorithmes qui aident à la prise de décision rapide basée sur la littérature scientifique. Donc, c'était effectivement un protocole, dans le fond, tout simple, où pendant un an, une fois par semaine, j'allais entrer à l'urgence pour faire mon travail de médecin. Et parallèlement à ça, bien, j'étais aussi l'artiste qui mettait les pieds dans son atelier. Donc, pendant un an, une fois par semaine, pendant que je travaillais, donc ça prenait pas plus de temps et aucun patient qui a souffert de quoi que ce soit, il fallait pas de toute façon au niveau éthique. Donc, j'avais un plan de l'urgence, simplement, et je traçais littéralement chacun de mes pas sur un papier japonais au crayon plomb. Et à la fin du 8h, du 10h de garde, bon, ça devient un dessin abstrait de mes déplacements. Donc, une espèce de trace qui habituellement paraît pas à la fin de notre journée de travail. Et ça a donné lieu à, effectivement, 48 dessins au fil de l'année. Et j'ai eu la chance cette année-là, ça c'était en 2014, de aussi travailler au Nunavik, mm-hmm. dans trois endroits différents qui ont permis d'avoir une trame et un plan de l'espace, évidemment, qui est différent de l'Hôtel Dieu. Et j'ai même eu le plaisir d'aller en mission avec la Croix-Rouge, comme je fais à l'occasion à l'étranger, donc dans un camp de réfugiés syriens en Jordanie, où j'avais pris soin de traîner mes petits papiers. Et une fois que l'hôpital était fonctionnel là-bas, ben j'ai poussé l'audace à, encore une fois par semaine, faire mes tracés. Donc, ça donne un échantillon de mon année de travail. Oui, puis visuellement aussi, c'est assez intéressant parce que, enfin, il y a toute cette idée aussi de répétition qu'on voit hein, dans le geste répété du médecin qui finalement répète ses gestes dans l'espace. Mais il y a aussi, ça vient donner, moi, ça me faisait penser peut-être à des synapses, peut-être plus de façon abstraite ou si on peut dire, ça me faisait penser à ça. J'ai trouvé ça quand même intéressant, le lien, même si ça n'a aucun rapport, mais ça m'évoquait ça aussi, ces déplacements-là dans l'espace que vous avez noté sur votre papier. Bien, il y a un rapprochement réel. Évidemment, lorsque moi je le faisais, c'est un protocole de production, donc sur le coup, je me rendais pas trop compte de ce qui était en train d'arriver sur l'interface du papier. Mais après coup, effectivement, oui, ça a tout à fait l'apparence des anciens dessins de synapses que les premiers biologistes faisaient au microscope avant d'avoir l'imagerie qu'on connaît maintenant. Et cette notion de synapse et de communication et de rencontre, finalement, c'est exactement ce qui se passe à chaque interruption de trait sur mon dessin ou aux endroits où le trait arrête et repart. C'est une rencontre avec un patient, c'est une intervention médicale. Donc, c'est vraiment une notion de communication. Et comme vous dites, la répétition est aussi un peu un hymne à ce qu'on fait comme médecin lorsqu'on prête un serment d'Hippocrate, c'est-à-dire que ça semble, tant qu'on y regarde de loin, tout semble être égal, et c'est effectivement ce qu'on fait. On essaie d'offrir à tout le monde la même qualité de soins sans égard aux patients, et c'est un peu ce qui se reproduit dans cette accumulation de dessins-là.

De retour à cette deuxième partie d'émission de l'aérospatiale. Audrey Caro toujours en votre compagnie et j'ai le plaisir d'avoir en studio Jeanne Couture. Bonsoir Jeanne. Bonsoir Audrey. Et Jacques Sanson. Bonsoir Jacques. Bonsoir Audrey. Alors, je vous êtes ici pour nous parler de cette exposition 30e anniversaire comme un chien dans un jeu de quilles. Donc, il souligne, oui, le 30e anniversaire du Centre d'artistes Regard à Lévis. Et Jeanne, on t'a demandé, on t'a faire, à vrai dire, le commissariat de cette exposition-là. Et j'étais curieuse déjà là, ce titre-là quand même fait sourire, mais on se demande un peu comment c'est venu tout ça, comment ce projet-là s'est développé pour toi. Ben écoute, pour te répondre par rapport au titre, Regard, c'est un lieu que je connais depuis longtemps. Moi, je suis quelqu'un de Lévis, j'ai été à l'école secondaire à côté de l'ancien Regard quand c'était sur la côte du Passage. J'ai vu ça évoluer, j'ai vu Regard changer d'emplacement, son super emplacement sur le bord de la traverse. Et en fait, c'est super drôle parce que là où Regard se trouve présentement, c'était un ancien salon de quilles abandonné depuis toujours. Un jour que j'en parlais avec lui, c'est comme je sais jamais quand ça a été ouvert. Ce salon-là, c'est des grosses quilles. C'était une grande allée de quilles qui était abandonnée dans la vitrine. Puis quand on était jeunes, on regardait ça, puis on se disait, ah, tu sais, on avait le goût d'aller voler des quilles, je sais pas trop. Il y a cette référence-là, en fait, au salon de quilles que Regard a repris, qui a créé un centre d'artistes avec ça, des ateliers d'artistes au fond. Et le fait que Regard soit le seul centre d'artistes de la région de Lévis, ils sont deux dans Chaudière-Appalaches, à tenir le fort, mm-hmm. à pouvoir défendre les arts visuels, donc professionnels, dans le comté. Et donc, c'est un peu... Et depuis 30 ans, Regard était un peu justement comme un chien dans un jeu de quilles. Il se retrouvait toujours à défendre ses politiques, ses mm-hmm. positions, défendre son financement également avec la ville. Donc, il y a toujours cette relation-là de militantisme, je dirais, de défense du fait d'exister et d'être là. Donc, il y avait cette idée-là, en fait, dans mon titre. Et pour l'expo de Regard, les 30 ans, j'ai voulu faire une exposition rétrospective sans rentrer dans le rétrospectif. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je me suis donné la thématique donc de revisiter un peu les 30 ans et de voir ce qu'on va faire dans l'avenir. Donc, je suis allée chercher des artistes, trois artistes qui ont déjà exposé à Regard, dont mm-hmm. Jacques Sanson, oui. qui sont des artistes importants de la région, qui ont fait rayonner Regard de certaines manières. Donc, Jacques a été là pendant plusieurs années comme technicien aussi, impliqué sur le CA. Oui, ben c'est ça. À partir de 91, j'avais pas fini encore mon bac et puis j'étais sur la Rive-Sud, donc je me suis impliqué un petit peu là. Donc oui, on fait un peu de tout dans les centres d'artistes. Donc exact. Quand on rentre, on fait de l'accrochage, du décrochage, du vernissage et du CA en même temps. Donc oui, j'étais un peu dans le temps qui était sur la côte du Passage, là, tout près de la barricade. Oui, du fameux bord à la barricade. Mmh. Ouais. Et puis, c'est intéressant parce que, dans le fond, Jacques, Jeanne t'a placé en duo. Il y a deux duos intergénérationnels, et tu travailles notamment avec la jeune artiste, Marianne Burley. Merci, Marianne Burley. Exact. J'ai toujours un peu de misère à dire son nom de famille, Burley. Tu le dis bien. Je le dis bien, parfait. Oui, et puis, je voulais te demander comment ça s'est passé, cette rencontre-là. C'est une rencontre vraiment merveilleuse, je pourrais dire, la qualifier de merveilleuse, parce que au départ, c'est sûr, je la connaissais pas du tout, elle me connaissait mm-hmm. pas du tout. C'est Jeanne qui a eu l'étincelle en voyant les deux travaux, donc les deux corpus un peu. Elle a vu des affinités, puis effectivement, il y a des affinités dans nos corpus. Et puis, ça s'est fait tout simplement... très smooth et puis très agréable comme rencontre. Et j'ai parlé, on a parlé ensemble. J'étais en train de faire des sculptures. J'ai dit, ben je vais t'envoyer des images de mes mm-hmm. sculptures que je suis en train de faire. Elle a accroché sur ces images-là. J'ai dit, est-ce que tu veux qu'on fonctionne? Je vais t'envoyer les sculptures. Après ça, tu peux intervenir comme tu veux sur les sculptures. Tu pourrais les couper, tu pourrais comme tu veux. Puis en fin de compte, elle a fait une performance avec ces sculptures-là. Et puis ça donne bien parce que moi et Marianne, on a une relation au public qui se ressemble. Donc dans d'autres événements que j'ai fait où j'ai fait des sculptures toutou, mais mon but c'était de désacraliser la sculpture, que les gens se l'approprient, oui. la touchent et tout ça. Mais il devient vraiment objet là dans cette performance vidéo là, faut dire c'est capté en vidéo, mm-hmm. là, grandeur nature même, quand ouais. c'est présenté, puis tes pièces sont là à côté. Ouais, ouais. Moi, j'ai trouvé ça le fun, justement, qu'on sorte, parce que de la façon que c'est présenté, c'est un peu une présentation, si on peut dire, plus conventionnelle, et on sait comment la lumière aussi, la façon comment l'ombre portée au mur est importante aussi dans ton travail. Reste que je trouvais ça le fun de l'avoir manipulé, qu'on joue avec, puis cette espèce de surimpression aussi avec la vidéo là, que ça crée. Moi, ça, je trouve ça faisait quasiment pas loin de l'infographie. Tu sais, tes sculptures devenaient comme infographiques en quelque sorte. Oui, devenaient matérielles un peu. Oui, exact. C'est très intéressant même qu'on va probablement poursuivre cette aventure-là, moi et Marianne. Donc, on est déjà en train de penser à d'autres collaborations. Fait que je suis vraiment, vraiment agréablement surpris de ce mariage-là oui. artistique. Et puis, très content de l'avoir fait, tout ça. Ah, ben c'est vraiment intéressant, finalement. Je suis fière de mon match. Ben oui, de bravo. Match parfait. T'es marieuse, t'es une marieuse. Moi, j'aime ça, matcher du monde. Donc, c'est ça, dans cette expo-là, j'ai fait des deux couples intergénérationnels, justement. Donc, Jean, qui était le pilier, si tu veux, de mon exposition au niveau historique, parce qu'il a été très, très impliqué à différents niveaux, à tous les niveaux, en fait. Et donc, à partir de ça, je suis allée chercher un autre artiste qui a écrit beaucoup. En fait, Regard a eu, jadis, une mission dans les années 90 d'intégrer la littérature et la poésie dans l'art visuel. Et donc, c'est Jean Coulombe que j'ai invité à faire un projet avec Hugo Nadeau, un projet oui. de poésie. Ils sont partis sur la route pendant une semaine et demie en résidence. Ils ont pris des captations vidéo. Ils ont fait une vidéo où on trouve des images du Québec, de différentes régions, à travers des extraits de poésie qu'ils ont écrits sur la route. J'ai également Richard Ferron, qui avait exposé à Regard en 2002. Et qui est encore de la Manif d'Or, et j'ai Richard Ferron est maintenant à Bécomo, et il y a son collectif intergénérationnel aussi, deux jeunes qui travaillent avec lui dans mm-hmm. La Dérive, oui. qui ont fait un projet avec des moules bleues, donc vraiment la moule qu'on mange. Il y a également... peut-être juste oui. pour dire, parce que moi je l'ai vu cette fin de semaine, oui. et puis... Il restait juste les. Oui, elle était détruite. Puis là, j'ai dit, mais voyons, me semble, j'ai vu une photo sur le oui. web. Écoute, c'est vraiment, c'est très touchant. En fait, c'est une performance. Eux, ils ont réalisé une immense mosaïque de moules au sol avec des milliers et milliers de moules. C'était vraiment hallucinant. C'était magnifique. Très, très beau. Absolument. Et là, lors du vernissage, il y avait une performance d'un des membres du collectif où il commençait à marcher sur la sculpture, sur l'installation, et ça cassait les moules. Et à un certain moment, il a demandé au public, il a dit, allez, et là, la foule de peut-être, je sais pas, 70 personnes. Ça a été une ruée. Ça a été, tout le monde s'est jeté, en fait, sur les moules et ça a fait un bruit vraiment hallucinant et une poussière assez intense. Et eux, ils travaillent sur les changements climatiques, ils travaillent sur les questions environnementales, le fait d'aller chercher des ressources naturelles dans le nord, sur la côte nord, puis d'aller les vendre dans le sud, de briser les écosystèmes, etc. Donc, ils ont vraiment... cette performance-là était très poignante dans ce sens où on contribuait à la destruction. C'est ça, c'était très symbolique, là, le fait que tout le monde se mette à marcher sur ses moules. À piétiner les moules, oui. Exact. Et puis, il y a aussi un tatoueur. Ça, il faut quand même en glisser un petit mot vite. Oui, exact. Qui était présent, qui fait tatouer les gens aussi. Moi, je l'ai vu dimanche se faire tatouer sur place. Écoute, Patrick McFarlane, un tatoueur de Moncton, un artiste que j'ai invité à venir tatouer en direct pendant la première semaine de l'exposition. Patrick, qui a une esthétique... vintage, il fait des tattoos qui font des allusions aux années 50 et 60, années où dans le secteur où Regard est placé actuellement, il y avait quand même énormément de marins, la dévie était très, très présente, le bord de moteur juste à côté, donc c'était une esthétique qui me faisait beaucoup penser à une certaine époque dans le fond du secteur de Lévis. Alors je suis allée chercher des artistes qui... Oui, on exposait à Regard, mais des artistes aussi dont l'esthétique me rappelait une partie de l'histoire du lieu, du site. Oui. Donc, Patrick faisait référence à ça. Il y a aussi, il y a une cinquantaine de peintures, petites peintures de son travail là, présentes dans l'exposition. Et j'ai invité également Guillaume Légaré, un artiste photographe qui est étudié à l'Université Laval, qui est maintenant à New York. Et Guillaume, lui, a fait un projet entièrement à Lévis, a passé deux semaines en résidence. Et il a fait un toute une série, de, en fait, deux séries de photographies et un livre d'artiste. Donc, à partir de photos qu'il a pris, là, vraiment sur la côte du passage. C'est ça, on reconnaît, là, justement, la côte où était anciennement Regard. Il a vraiment travaillé là-dessus. Guillaume travaille beaucoup sur l'idée de la nostalgie, alors sur le passage du temps, tout ça. Donc, il a travaillé avec aussi les différentes maisons, les différentes architectures du coin. Vraiment, le passage des époques, on peut le sentir dans ces images. Ben enfin, faut se déplacer, hein, c'est juste ça, faut se déplacer pour aller voir cette exposition qui vaut le détour pour justement la diversité des propositions qui sont là et puis ce petit côté rétrospectif, mais pas tant rétrospectif, si on peut dire. Il y a la petite publication aussi qu'il faut quand même souligner qu'on peut se procurer à très faible coût, là, 4 $, je pense. Là, c'est une contribution volontaire. C'est ça. Oui, j'ai fait un petit prion d'église, c'est sous la forme des fameux prions d'église. Et c'est 46 pages, des coupures de journaux, des extraits des comptes, des conseils d'administration, etc. Donc, plusieurs textes. Là-dedans. Des photos d'archives, etc. Oui, tout à fait, des images d'archives. Il faut aller faire un petit tour en bateau, donc une petite croisière et une exposition. Donc. Exactement, ça vaut la peine. Deux pour un, voilà. Donc, c'est jusqu'au 23 octobre. Eh bien, Jeanne Couture et Jacques Sanson, merci beaucoup d'être venus nous en parler. Merci. Merci, Audrey. On s'en va en pause audio. Je suis en compagnie de Suzy Dufour. Bonjour Suzy. Bonjour Audrey. Alors, tu es allée voir pour nous cette exposition de Marcel Ferron à la galerie Michel Guimont, donc qui a ouvert ce dimanche. Oui, exactement. Et tu as pu assister au vernissage et rencontrer des personnes assez passionnantes et intéressantes. Hein? Oui, tout à fait. J'ai eu l'opportunité de rencontrer les filles de Marcel Ferron, donc Babalou et Diane Hamelin, qui ont collaboré avec Michel Guimont pour monter cette exposition d'œuvres sur papier, en majorité, il faut le dire. Donc, elles ont fait une présélection d'œuvres et Michel Guimont, par la suite, a eu un droit de regard sur les œuvres qui seraient exposées dans la galerie. Et c'est un bel univers assez intime qu'on découvre chez Michel Guimont. J'ai été assez touchée par ces pièces-là, puis j'ai hâte d'y retourner dans un contexte qui n'est pas un vernissage. Oui, pour les apprécier encore plus. Oui, exactement. Puis bon, j'ai pu avoir l'espèce de vision des filles de Marcel Ferron sur cette partie du travail-là de leur mère, qui pour elle est une pratique qui ne va pas, qui n'est pas préparatoire à la peinture sur toile, mais qui est vraiment en parallèle, si on veut. Oui, c'est ça, une pratique très personnelle pour elle, qu'elle faisait, je pense, à tous les jours, ou presque. Donc, elle dessinait sur... pas dessinait, mais elle peignait sur papier, mais toutes sortes de papiers aussi. Oui. Hein? C'est ça qui est intéressant. Oui, tout à fait. Elle a même peint sur du papier photo, donc des tirages photographiques où on voit, en quelque sorte, qu'il y a une image derrière la peinture qu'elle a appliquée par-dessus. dessus. Donc, des expérimentations. Puis Marcel Ferron, toute sa pratique, toute sa carrière est axée sur l'expérimentation, le jeu des couleurs, de l'opacité, la transparence, la lumière. La gestuelle. La gestuelle. Puis le choix de l'exposition était aussi de ne pas dater les œuvres. De un, parce qu'elles ne sont pas datées en grande partie à la base, et de faire des rapprochements qui sont plus sensibles entre les œuvres. Donc, bien sûr, les filles de l'artiste ont... ont une idée de l'époque à laquelle ont été faites ces œuvres-là. Mais sinon, on a décidé finalement d'y aller par une espèce de contact plus intime, justement, qui correspond à la pratique de Marcel Ferron de ces œuvres-là. C'est quand même différent aussi. Moi, je les ai vues en images, ces œuvres-là. Et puis, je veux dire, par là, c'est qu'on y sent une très grande liberté. Oui, cet univers intimiste, mais en même temps, des fois, des petites références à des périodes de sa vie. Par exemple, je voyais qu'il y avait certaines œuvres qui avaient beaucoup de traits calligraphiques. Oui. Je crois qu'elle a eu une expérience au Japon qui l'avait comme marquée aussi. Oui, elle a fait un voyage au Japon et en Chine, je crois. Là, je mets un bémol là-dessus, mais à la fin des années 70-80. Donc, sa pratique a été très influencée par, justement, la calligraphie, le côté vertical des œuvres japonaises, etc. Donc oui, on voit ça. On voit même aussi des œuvres qui peuvent faire penser à son travail des vitraux. Oui. On voit certaines formes plus géométriques entourées d'une ligne noire contour. Donc on voit un peu ce parallèle-là, mais toutes ces œuvres-là s'agencent bien, s'amalgament les unes aux autres avec des œuvres qu'on peut associer aux années plus 50-60, avec cette justement grande période, l'abstraction lyrique, de l'automatisme. Oui, le travail de la spatule aussi qu'elle découvre dans les années 60. Donc, c'est vraiment, vraiment une exposition que je vous conseille d'aller voir. Elle est présentée jusqu'au 19 octobre à la Galerie Michel Guimond. Et on a un petit reportage photo sur le blog de l'émission, sur la page Facebook. En tout cas, il y a le lien pour s'y rendre. Oui, on va le partager effectivement aussi sur la page Facebook. C'est Andréane Lesage qui t'accompagnait au vernissage. Nous étions toutes les deux présentes, puis on a pu justement prendre des photos pour que vous ayez un petit aperçu là, de ce que vous pouvez aller voir chez Michel Guimond jusqu'au 19 octobre. Oui, donc on rappelle, c'est sur l'aérospatialecrl.wordpress.com. Donc vraiment, oui, comme tu dis, des œuvres très dynamiques, très très personnelles pour découvrir ce monde qui était bien à elle et non de commande, si on peut dire, non, qui lui était parfois demandé, mais là, vraiment d'entrer dans son intimité. Oui. Là, oui. Vraiment, ça m'a beaucoup touchée aussi, ces œuvres-là. Donc, allez faire un tour. Merci beaucoup, Suzy. C'est un plaisir, Audrey. On va faire une courte pause audio. On s'en va écouter Belle-Île. Thank you. On va conclure cette émission, comme à l'habitude, avec un rappel des événements de la semaine. Il faut dire qu'il y en a beaucoup cette semaine, donc ce soir d'ailleurs. Il faut souligner que c'est l'émission À tout hasard sur les ondes d'Art TV à 19h. Donc, cette émission d'art sur l'art public, c'est l'artiste Ludovic Bonnet de Québec qu'on va pouvoir entendre et qui est d'habitude assez un peu timide, mais là, je vous dirais, on l'entend jaser pas mal. Ils ont réussi à le faire jaser pas mal, puis c'est assez intéressant ce qu'il nous a à nous raconter sur son travail. Et également Fernande Forêt. Sinon, jeudi de 17h à 20h, c'est l'inauguration ici dans Limoilou, donc tout juste à côté de CKRL à la Plaza Limoilou, de Gros Loup, cette sculpture de Guillaume Tardif qui va reprendre la fameuse horloge emblématique au coin donc de la Canardière et de la 3e Avenue. Donc, à ne pas manquer ce jeudi à compter de 17h. Il y a également aussi jeudi vernissage de l'exposition Normalité ostentatoire de Folie Culture et c'est au 280 Christophe Colomb. Melvin Flores expose à Espace Parenthèse, vernissage ce jeudi aussi à 17h. Odette Théberge, à l'occasion du Festival Québec en toutes lettres, sera à la Maison de la littérature dans l'espace d'exposition de la Maison de la littérature et c'est ce jeudi aussi, vendredi, samedi, que vont se tenir donc les soirées de performance, la deuxième semaine donc de la RIAP. Donc cette semaine, Portugal, Allemagne et Slovaquie à découvrir. Vendredi à Materia à 17h, c'est le vernissage de l'exposition Les Traversiers des Arts de Brouage. Sinon, à la Galerie 3, Annie Baillargeon présente Les Natures Mortes, épisode de Petit Déclin, donc à compter de 17h30. Et ce dimanche, c'est la dernière donc conférence du CELAT à l'occasion de la RIAP, donc à compter de 13h au lieu Centre en Art actuel. Je vous rappelle, c'est le 345 rue Dupont. Donc, c'est ainsi qu'on termine cette émission. Merci à mes invités, Adam Bergeron, Alain Parent, Jeanne Couture, Jacques Sanson, notre chroniqueuse Suzy Dufour, également notre magicien des ondes, Jacques Gignac, ma comparse Jean-Tiens Lafrance que je salue, qui se trouve à Matane, et bien sûr, demeurez à l'écoute de CKRL parce que Pierre Blais et son équipe prennent d'assaut les ondes pour discuter cinéma avec l'émission Situation Critique. Merci d'être fidèlement à l'écoute à tous les mardis. On se dit à la semaine prochaine, 17h30. Bonne semaine! L'aérospatiale vous a été présentée par la revue Inter, le magazine en art actuel. Téléchargez cette émission sur ckrl.qc.ca ou sur iTunes. Pierre Blais anime Situation Critique, l'émission sur le cinéma dans quelques instants. Le Bal du Lézard est fier d'encourager les talents d'ici et vous présente cette soirée. À CKRL, on est branché sur l'actualité qui vous touche. Retrouvez Dominique Lelièvre et les informations tous les jours en semaine entre 6h30 et 9h. À 11h30, à l'émission On refait la une. Et à 12h30 pour un bulletin d'information complet. Restez informés en temps réel sur notre site web et les réseaux sociaux. CKRL veut être vos yeux et vos oreilles sur le terrain. Soyez à l'écoute. Vous avez une carte de membre de CKRL? Économisez 15% sur tout le matériel usagé chez Québec Aubaine Recycle, 1635 Henri Bourassa. Votre carte au coût de 25$ est valide pour un an à la date d'adhésion. Ne tardez plus, faites-le aujourd'hui sur ckrl.qc.ca. La carte de membre de CKRL, c'est pratico-économique. Qu'on se le dise, folk d'Amérique est de retour. Chansons contestataires, blues ou country d'Amérique, vieux folk songs d'Europe ou d'Afrique. Avec des noms célèbres, Bob Dylan, Neil Young, Johnny Mitchell ou Florent Volant, et des jeunes comme Leila McCalla ou Les Chercheurs d'or. Les mardis soirs à 19h30 avec Gilles Chaumel sur les ondes de CKRL. On the road again, like a man to get this.